Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la porte du paradis de Michael Cimino ou la fin des illusions d'Hollywood. Le 2 juillet dernier, nous apprenions la mort du cinéaste américain Michael Cimino. Au milieu des hommages et célébrations, un sentiment de regret dominait. Car le réalisateur laisse derrière lui une carrière controversée. Il suffit de compter. En 40 ans de carrière, Cimino n'a réalisé que 7 films. Mais parmi eux se glissent deux œuvres immenses à la trajectoire inversée. Autrement dit, Voyage au bout de l'enfer et Les portes du paradis, dont on peut dire qu'il compte parmi les films les plus importants du cinéma américain de ces 40 dernières années. Curieux, mystérieux, secret, Cimino incarne le mythe du génie maudit. Cette légende noire s'est construite avec son film La porte du paradis, l'une des plus grandes catastrophes industrielles de l'histoire du cinéma. On connaît ces légendes qui peuplent la chronique du 7e art, ces récits de tournage cauchemardesques desquels naissent ou meurent les chefs-d'œuvre. Mais ici, point d'ouragan pour détruire les décors, pas d'acteur qui se blesse ou d'arrêt de tournage imprévu, non. Là, il n'y a qu'un réalisateur et son désir, son souci, sa folie du détail, du réalisme et de la précision. Or, La porte du paradis, c'est justement le film de la rupture, de deux mondes qui s'écroulent. Celui du nouvel Hollywood, d'abord cet âge d'or du cinéma américain des années 70 qui a sacré le réalisateur roi et permis l'essor d'une génération de cinéastes à la créativité inédite. Une période bénie à laquelle La porte du paradis met symboliquement fin, car son échec historique servira d'alibi pour une reprise en main des studios hollywoodiens. L'autre rupture, c'est celle d'une certaine idée de l'histoire des États-Unis, du mythe de la conquête de l'Ouest, à laquelle Cimino s'attaque, justement. Sans concession, il tend le reflet insupportable d'un pan de l'histoire de son pays. En seconde partie d'émission, nous recevrons Anne-Marie Bidot, historienne, spécialiste du cinéma américain et auteur du livre intitulé « Hollywood ou le rêve américain » publié chez Armand Collin en 2012. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. The winner is... My colleague and paisan, Michael Cimino, for the Deer Hunter. Dans ce genre de moment, c'est difficile de parler avec humilité. Mais je suis fier d'être ici et fier de notre travail, fier de faire partie de cette tradition. Merci beaucoup. Avril 1979, Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles. Il suffit parfois d'une image, d'une séquence pour illustrer un moment d'histoire. Ce soir-là, pour la 51e cérémonie des Oscars, lorsque Francis Ford Coppola remet le prix du meilleur réalisateur à Michael Cimino, on assiste à bien plus qu'une remise de récompense. Le symbole est fort. Le réalisateur à succès du Parrain, chef de file de ce qu'on appellera bientôt le nouvel Hollywood, qui sacre Michael Cimino, c'est la promesse d'une relève assurée, d'un mouvement à poursuivre, d'une œuvre à construire. Depuis une dizaine d'années, en effet, une bande de jeunes cinéastes a pris d'assaut Hollywood. Les studios américains ont toujours vécu sur un rythme cyclique de croissance et de crise. Alors, nos jeunes contrebandiers profitent d'une période de reflux pour s'imposer au cœur du système. Formés pour la plupart dans les écoles de cinéma, imbibés des nouvelles vagues européennes, attachés à la notion d'auteur, les Scorsese et Coppola de Palma et leurs films Taxi Driver, Le Parrain, Carrie, rejettent les règles classiques, bouleversant la narration, s'affranchissent de la morale et réussissent le tour de force de séduire le public et de remporter des prix dans les grands festivals internationaux. Le cas de Michael Cimino est le reflet de cette époque. Né à New York en 1939, il étudie d'abord l'architecture et le design à Yale avant de travailler pour la publicité. Au début des années 70, il tente sa chance à Hollywood où il collabore sur quelques scénarios, écrit le sien, Le Canard d'Or, et réussit à convaincre Clint Eastwood de l'acheter et de le laisser le réaliser. Le film rencontre un certain succès et voilà la carrière de Michael Cimino lancée. Il ne lui reste plus qu'à transformer l'essai, ce qu'il fait et de quelle manière. 4 ans après, avec The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Ce film, c'est d'abord un sujet, la guerre du Vietnam, porté à l'écran, ce qui est nouveau. Avec des acteurs comme Robert De Niro, Christopher Walken ou Meryl Streep au sommet, c'est un chef-d'œuvre. Tout le talent de Cimino s'y exprime. À la manière d'un John Ford ou d'un Luchino Visconti, ces deux modèles, Cimino passe de l'intime au grandiose dans un même mouvement, avec ce souci toujours de sonder la grande histoire au plus près de ses personnages. Toute la puissance visuelle du cinéma de Cimino et sa volonté de décrypter le destin de son pays sont déjà réunis. Voyage au bout de l'enfer est un immense succès critique et public. Et ce soir, du 9 avril 1979, c'est la consécration. En plus de l'Oscar du meilleur réalisateur, Michael Cimino en remporte 4 autres. Alors, quand Francis Ford Coppola lui remet sa récompense, il a double nouveau prince d'Hollywood. Mais ce que ne savent pas Coppola et Cimino ce soir du 9 avril 1979, c'est qu'en lieu et place de l'apothéose, ils viennent de vivre un chant du cygne et que l'enfant prodige sera bientôt le paria d'Hollywood. Après avoir remporté 5 Oscars Deer Hunter, pour Le Voyage au bout de l'enfer, it only created more pressure. Eh bien, je me suis retrouvé sous une plus grande pression. Et là, je parle de moi, je ne vous parle pas du cinéma d'une façon générale. J'ai eu à subir beaucoup de pression, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment travailler dur pour être à la hauteur de la réputation qu'on vous avait faite. Et donc, c'était un très grand défi qui m'était lancé. Et ça faisait peur, quand même. Legally, you bastards have a right to protect your own property. But unless you got a signed legal warrant for every name on that death list, stay out of my county. You offset every effort we make to protect our property and that of members of your own class. You're not my class, kid. You never will be. Le succès des Voyages au bout de l'enfer ouvre de nombreuses portes à Cimino qui peut donc se lancer dans son nouveau projet, La Porte, justement, du paradis. Le réalisateur avait déjà essayé de monter ce film en 1971 sans y parvenir. Le scénario s'inspire d'un épisode sombre et peu connu de l'histoire des États-Unis appelé la guerre du comté de Johnson. En 1892, une association de riches propriétaires embauche des mercenaires pour tuer une centaine de nouveaux immigrants venus pour la plupart d'Europe de l'Est et accusés d'être des voleurs de bétail. Un contrat mis au point avec l'aval des plus hautes autorités du pays, président compris. Le scénario de La Porte du Paradis raconte ainsi en 3 actes l'histoire de James Avril. Au cours d'un prologue, on le découvre jeune diplômé d'Harvard, incarnation parfaite de l'élite américaine. Le temps d'une ellipse, et nous voici 20 ans après, toujours avec ce même James Avril, vieilli, dans l'Ouest américain, où il est devenu shérif du comté de Johnson et qui, escalité, se retrouve au cœur de la guerre menée par ces mêmes élites à l'encontre des immigrants qu'il administre sur son territoire. Au cœur de ce combat, on découvre un triangle amoureux autour d'Avril avec Nate Champion, un mercenaire qui travaille pour les éleveurs, et Ella Watson, jeune tenancière d'une maison close. Vers cette histoire, Michael Cimino veut réaliser une grande fresque historique, un western sur la conquête de l'Ouest. Il veut se saisir de ce sujet classique du cinéma américain, la construction du peuple et de la nation. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'en défaire les légendes, construites justement en grande partie par le cinéma pour en révéler la face sombre. Le film raconte l'échec du héros James Avril, parti à l'Ouest pour construire son pays, comme d'ailleurs Cimino l'explique. So that what was felt by educated men like Joseph Cotton, les gens éduqués comme Joseph Cotton exercise at Harvard, pendant cette cérémonie des diplômes à Harvard. He is making a plea. Et la chose suivante, il lance un appel to reconcile the differences. Visant à éliminer les différences. Young, son plaidoyer vise à ce que ces jeunes hommes diplômés, fort éduqués, riches, prennent leur bâton de pèlerin, parcourent les États-Unis pour guérir le pays des plaies encore béantes de la guerre de sécession. Le message de cet homme était le suivant. Partez et faites le bien. Utilisez votre éducation, celle que vous avez reçue, pour améliorer le sort du peuple. C'est donc ce que fait James Avril. Il part vers l'ouest. And tries to do good. Et il essaye de faire le bien. It doubly behooves us to look well to the influence we may exert. A high ideal. The education of a nation. Avant même que Cimino n'ait reçu ses Oscars, la société United Artists s'était engagée sur le projet de la Porte du Paradis. Fondée en 1919 par quatre pionniers d'Hollywood, parmi lesquels Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks, l'histoire de ce studio dénote. Sa devise, art versus business, résume à elle seule les ambitions d'un studio à part. En novembre 1978, un contrat est signé avec Michael Cimino. Le budget est fixé à 11 millions de dollars, mais une clause stipule qu'il pourra être dépassé sans que Cimino ne subisse de pénalités financières. En revanche, le cinéaste doit s'engager à ce que le film dure 2h30 maximum et qu'il soit livré pour une sortie un an plus tard, donc en décembre 1979. Pour la pré-production du film, Cimino est accompagné de sa fidèle collaboratrice, Joanne Carelli. Rencontrés à l'époque où ils travaillaient pour la publicité, les deux amis ne se sont plus jamais quittés. Ensemble, ils travaillent sur la première étape, le casting. Pour les deux personnages masculins, Cimino a d'abord pensé à Steve McQueen ou Henry Fonda. Mais il jette finalement son dévolu sur Kris Kristofferson, un acteur moins connu. Dans le second rôle, il retrouve Christopher Walken, tout juste auréolé de son Oscar pour son rôle dans Voyage au bout de l'enfer. Reste à trouver le personnage féminin du triangle amoureux. Cimino et Carelli auditionnent des centaines d'actrices, mais ne trouvent pas. Et puis un jour, ils passent devant le cinéma d'art et essai, Le Paris. À l'affiche, Violette Nozière de Claude Chabrol. Intrigué par l'affiche, le réalisateur prend une place alors que la projection est déjà en cours. Bon, il s'assoit dans la salle, et là apparaît Isabelle Huppert. Cimino ressort, débarque au studio et annonce que les recherches pour le rôle féminin peuvent s'arrêter. Il a trouvé son actrice. Refus catégorique United Artists, une actrice française inconnue, impossible, voyons. Le studio propose des stars à Cimino, mais le réalisateur ne cède pas, comme le raconte Isabelle Huppert. J'étais sûre que je le ferais le film parce que je savais aussi que, têtu comme il est, comme il était et comme il sera toujours, il lâcherait jamais l'affaire et que j'avais aucun doute sur le fait que je ferais le film. Il m'a même fait venir à Londres avant que la décision finale soit prise pour me faire essayer les costumes, en prévision du moment où finalement il pourrait m'annoncer que oui, je faisais bien le film. J'avais confiance en lui. Leave it. Here? Wyoming. Wyoming? Yeah. You son of a bitch. Is that what the present was for? I think you would have stopped fucking me around and tell me directly what's on your mind. Le 16 avril 1979, une semaine après le sacre de la cérémonie des Oscars, le tournage commence. D'emblée, le réalisateur insiste pour que le film soit le plus près de la réalité historique. Pendant les longs mois de préparation, il accumule des documents d'époque, des archives, des photos, pour que les costumes, les décors et les acteurs collent à cette période. Autre ambition de Cimino, filmer son Amérique, son Ouest. Il refuse de tourner en studio et opte pour la région du Montana. Une grande partie du tournage se déroule donc dans un endroit perdu au milieu des montagnes, à plusieurs heures du camp de base où logent l'équipe et les acteurs. Chaque jour, tout ce petit monde doit prendre des bus pour rejoindre le plateau. Une vraie perte de temps pour le tournage. Dans le même souci de réalisme, Cimino recrute les 1200 figurants sur place. Trois villages sont entièrement construits. Une locomotive d'époque est affrétée de Détroit. Une ville est entièrement recouverte de boue. Pendant 6 semaines, les acteurs s'entraînent dans ce qu'on rebaptise rapidement le camp Cimino, où différentes activités qu'ils doivent maîtriser pour leur rôle, tir au fusil, cheval, danse, dialecte des immigrants, bref, on est bien au cœur d'une grosse production hollywoodienne. Rien de très surprenant quand on connaît ce qui fait la force du modèle américain. Mis à part peut-être un élément, Michael Cimino lui-même et son souci obsédant du détail intrinsèque à son travail. Et il s'en explique. It's a question, you know, how long you choose to focus on a particular moment in a movie. Combien de temps on se concentre sur un moment particulier dans un film? Combien de temps on choisit de s'attarder dans un film? C'est une question d'équilibre entre votre sens dramatique et votre courage. Vous pouvez être dans le paysage le plus incroyable, en face de la plus incroyable vue de montagne et de lacs et de rivières. Vous êtes prêt à tourner cette scène, et la lumière est exquise et parfaite. Et juste au moment où vous êtes prêt à y aller, à dire action, la caméra tourne, un nuage passe devant le soleil et la scène est détruite. Maintenant, la question, c'est combien de temps allez-vous attendre? Et vous regardez votre montre toutes les 5 minutes sur un tournage. On essaye à fond de respecter le planning. Parce que tant que vous le respectez ou que vous êtes en avance, vous gardez le contrôle du film. Quand vous dépassez, vous commencez à perdre peu à peu de plus en plus de contrôle. Ce n'est donc pas seulement une question de nécessité pratique, c'est une question de nécessité artistique de respecter le planning. Donc, pour un réalisateur, la plus grande dépression, c'est le temps. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Dans un plan de la Porte du Paradis, on en trouve un exemple. Nous sommes dans la chambre de James Harrell, le héros. Ivre et endormi, Christopher Walken, son meilleur ennemi, le ramène chez lui. Au moment de déposer sur son lit, on aperçoit sur la table de chevet de James Harrell le livre « La Divine Comédie » de Dante. Un détail dans l'image qui contient toute l'histoire de la Porte du Paradis et pour cause, le motif du cercle, comme dans l'œuvre de Dante, structure tout le film de Cimino. De la scène du bal en ouverture à la bataille finale, en passant par la danse sur patins à roulettes au milieu du film, dans toutes ces séquences, magistrales soit dit au passage, qui sont autant de morceaux de bravoure cinématographique, le réalisateur illustre sa vision de l'histoire et des personnages. Pour lui, l'histoire n'est pas une longue ligne sinueuse, mais procède par à-coups, répétitions, boucles. Et comme chez Dante, ces cercles sont aussi ceux de l'enfer. La méthode de travail de Cimino, ce souci du détail, ce perfectionnisme, tourne à l'obsession. Arc-bouté sur sa conception du réalisateur en tant qu'artiste, maître absolu de l'ensemble de son œuvre, le cinéaste persiste. Inévitablement, cette attitude provoque des retards sur le plan de travail. Au bout de 2 semaines, le tournage accuse déjà un dépassement de 10 jours. Cimino n'hésite pas à faire jusqu'à 50 prises de la même scène en variant les intentions des acteurs, les cadres, la lumière, à attendre des heures, cette lumière parfaite. Pourquoi pas un conchant contre champ dans une chambre? Oui, mais quand il s'agit de filmer une bataille à cheval avec des centaines de figurants, 7 caméras, des dizaines de techniciens et des effets spéciaux, évidemment, c'est plus compliqué. Et vu que le temps au cinéma, sans doute plus qu'ailleurs, c'est de l'argent, le film perd plus $1 million par semaine. Et chaque journée de travail produit moins de 2 minutes de prise de vue utilisable. Évidemment, du côté de United Artists, l'inquiétude monte. À l'image de son héros, James Harrell, en retard perpétuel avec l'histoire qui se joue sous ses yeux, Cimino se laisse emporter par son idéal et la Porte du Paradis s'apprête bientôt à engloutir ses rêves de grandeur. For me, I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. In the trade magazines in Hollywood, I was called the Golden Boy of Hollywood. On m'appelait le Golden Boy de Hollywood dans les magazines professionnels. Within 1 year, en l'espace d'un an, I was rag and bone. Du jour au lendemain, je suis passé du statut de Golden Boy au statut de, from the top to the bottom, d'un petit year. Gamin de la rue que personne s'intéresse. Castor, Jay Kovac, Mitchell Kovac, Castor, Kutugrebe. Fin août 1979, Los Angeles, dans les bureaux du studio du United Artists, Steven Bach et David Field, les deux producteurs exécutifs de La Porte du Paradis, sortent leurs calculettes. Accessoires, on est passé de 150 000 à 380 000 dollars. Costumes, de 250 000 à 510 000 dollars, et ainsi de suite pour toutes les lignes budgétaires. Au bout de 14 semaines d'un tournage qui ne devait durer que 2 mois, l'addition est passée à 21 millions de dollars au lieu des 11 prévus. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que dans l'histoire du cinéma, un film dépasse son budget. Mais l'inquiétude grandit chez les deux producteurs parce qu'ils voient bien que Michael Cimino est entré dans une logique folle et irrationnelle. United Artists se décide donc à réagir. La question est toujours délicate pour les producteurs. Quand arrêter l'hémorragie? Comment mettre fin à un projet dans lequel on a déjà investi plusieurs millions de dollars? On pense un temps à remplacer Cimino. Mais comment faire? Il gère tout depuis le début, ce serait l'échec assuré. Et puis il suffit que Cimino confirme son talent révélé avec Voyage au bout de l'enfer pour que le film soit le chef-d'œuvre annoncé, qu'il séduise le public et qu'il soit rentable en quelques semaines. Première décision, et non des moindres, Joanne Carelli, la productrice et amie de Michael Cimino, est sommée de quitter le tournage. United Artists se rend compte que leur amitié gêne considérablement la bonne tenue du budget. Et puis, la presse commence à s'intéresser à ce tournage au long cours. Là encore, l'attitude de Michael Cimino envenime les choses. Il interdit aux journalistes l'accès au plateau pour raison de sécurité, dit-il. C'est que le halo de mystère autour du film attire la curiosité. Qu'à cela ne tienne, un journaliste trouve la parade et se fait passer pour un figurant. Dans son article, au titre sans ambiguïté, « Les obsessions d'un perfectionniste », il dresse le portrait peu flatteur d'un Michael Cimino irresponsable et enfermé dans ses exigences. En grossissant le trait, il dénonce les accidents qui auraient eu lieu sur le tournage. Il raconte que des animaux sont maltraités. Il dépeint enfin l'ensemble comme une farce, au cœur de laquelle Cimino, par ses extravagances et son incompétence, creuse le budget. Après la sortie du film, Isabelle Huppert sera interrogée précisément sur le caractère de Cimino. On a raconté beaucoup de choses sur sa mégalomanie, sur sa folie, sur sa maniaquerie, qui lui fait attacher une importance démesurée à chaque détail. Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. C'est vrai qu'il est maniaque, mais enfin, je ne connais aucun grand metteur en scène qui ne soit pas, maniaque et soucieux du moindre détail. Il a une espèce d'absolu. On a dit par exemple, Isabelle, qu'il avait fait repeindre la pelouse verte en vert. Alors est-ce que ça vous paraît normal? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, on a dit plein de choses qui étaient entièrement fausses. C'est pas vrai du tout. On a tourné à un rythme tout à fait normal. On a tourné 4 heures de film, il fallait bien prendre le temps qu'on a pris pour les tourner. Je veux dire, je pense que les estimations de départ étaient fausses. Enfin, pour moi, c'était un tournage qui s'est déroulé d'une façon assez normale. Il n'en fallait pas plus pour qu'Hollywood s'emballe. La personnalité secrète et distante de Cimino laisse libre cours aux rumeurs les plus folles. Le réalisateur se ferait livrer de la cocaïne par hélicoptère. Il aurait acheté un terrain dans le Montana en puisant sur le budget du film. Il aurait donné une fête exceptionnelle sur le plateau le jour où son budget a dépassé celui d'Apocalypse Now de Coppola, un autre tournage fou. Mais Stephen Back et David Field, les deux producteurs, s'accrochent. Depuis qu'ils ont repris les choses en main, Cimino s'est mis au diapason tout de même. Il respecte les délais et la fin du tournage approche. Finalement, à la mi-octobre 1979, le réalisateur met un clap de fin au tournage. Prévu pour durer 2 mois, l'Odyssée de Cimino en prend 7, une éternité pendant laquelle il accumule 220 heures de rush pour un budget de 40 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films les plus chers à l'époque de l'histoire du cinéma américain. Novembre 1980, New York. Un an après la fin du tournage, c'est le grand soir pour Cimino. Aujourd'hui, se tient la première de son nouveau film à la réputation déjà sulfureuse. Pendant 8 mois, il s'est enfermé en studio. 8 mois, jour et nuit, à essayer de démêler, construire, structurer ses 220 heures de rush. Un jour, il appelle enfin Stephen Back pour lui dire qu'il a une version. Fumée blanche. Stephen Back se rend donc au studio où il découvre un Cimino épuisé, à bout de force, qui lui annonce qu'il a une version de 5h25. Stephen Back tombe des nues. Son contrat l'obligeait à rendre un film de 2h30 maximum et Cimino lui donne une version de 5h25. Enfin, que peut-il faire d'un film aussi long? Personne ne va aller le voir. Un film à 40 millions de dollars. Alors, Cimino reprend le chemin du montage et parvient à une version définitive de 3h30 qu'accepte United Artists. Et nous voilà donc au soir du 19 novembre 1980, après plus d'un an et demi de travail. Tous le savent, c'est ce soir que tout se joue, car la presse donne le pouls d'un film, c'est bien connu. Toute l'équipe est là pour soutenir Cimino, dans l'attente du verdict. Et il arrive vite. Au milieu du film, un entracte est prévu, ce truc exaspérant quand le film est passionnant, mais bien utile quand il nous ennuie. Entre les deux, la salle s'est vidée de moitié. Un à un, les spectateurs quittent la projection. Au moment du générique, quelques applaudissements timides, épars, se font entendre, difficilement. Le lendemain, la sanction tombe. Vincent Canby, le célèbre critique du New York Times, n'y va pas par 4 chemins quand il écrit, je le cite, « que la porte du paradis est un tel échec qu'on pourrait soupçonner que Monsieur Cimino a vendu son âme au diable pour obtenir les Oscars pour Voyage au bout de l'enfer et que le diable est finalement venu les reprendre ». Plus loin, il dénonce le système en entier qui a permis à Cimino de courir ainsi à sa perte. La célèbre critique Pauline Kael du New Yorker lui emboîte le pas. Puis c'est toute la profession qui suit. On parle d'apocalypse next, d'autant en emporte le vent sans le vent, de désastre inqualifiable. Les critiques sont acerbes, ciblées sur Cimino. Et sur les plateaux de télé, c'est la curée contre le réalisateur. Lorsque j'ai découvert la première fois que cela avait coûté 35 millions de dollars, je me suis livré un petit calcul. Une centaine de familles américaines à qui on donnerait 25 000 dollars chacune pourraient vivre 14 ans avec ces mêmes 35 millions de dollars. N'est-ce pas obscène de dépenser autant d'argent pour un seul film ? Je pense que chacun peut comprendre quels sont les motifs de cette dépense. N'est-ce pas plus obscène de dépenser 30 ou 40 millions de dollars pour un film commercial comme Lake Lake, dont le seul objectif est de rapporter davantage d'argent? Ça, n'est-ce pas plus obscène? Agonie par la critique, Cimino demande à United Artists de retirer le film de l'affiche. Il veut retourner en salle de montage. La Porte du Paradis, première version, ne sera restée que 7 jours à l'affiche. Après plusieurs mois de travail, Cimino revient avec une deuxième version, écourtée d'une heure. Au printemps 1981, La Porte du Paradis version 2 sort dans plus de 800 salles, mais l'échec se confirme. On établit les recettes à $500 par jour. Au total, le film ne rapportera que 4 millions pour un budget 10 fois supérieur, 40 millions. La Porte du Paradis est un naufrage. Maintenant, comment expliquer cet échec ? Au-delà de l'explosion du budget, de la mégalomanie présumée du réalisateur, du genre western qui entre à ce moment des études ou de la mise en scène radicale, il y a le sujet même du film. Car à cette époque, le public américain n'est pas prêt à affronter sa propre histoire. Quelques semaines après la première sortie du film, à New York, Reagan est élu à la Maison Blanche. Changement d'époque et de paradigme aux États-Unis. Le symbole grisant de la fin des années 70 contestataire laisse place à l'incarnation d'une Amérique qui de nouveau se regarde positivement et se rassure. « America is back », disait Reagan, comme si elle s'était perdue avec Carter. Tout l'inverse de Cimino, qui lui tend un miroir critique de son histoire, qui défait les mythes constitutifs de son identité, qui empêche l'identification à ses héros. Isabelle Huppert ne dit pas autre chose au Festival de Cannes, où est sélectionné le film au printemps 81. Enfin, c'est surtout un film, je crois, qui pour les Américains leur tendait un miroir dans lequel il leur était pas agréable de se reconnaître. Je crois que c'est une vision très très dure de l'Amérique. Il a utilisé le western pour dénoncer finalement ce que le western a toujours glorifié, c'est-à-dire que c'est une anti-conquête de l'Ouest. C'est un film qui n'est pas à la gloire des Américains et qui montre que au fond l'Amérique n'était pas la terre d'accueil et de liberté qu'on a cru qu'elle était et que c'est. C'est tout ce processus qui a amené à la guerre au Vietnam. Parce que je crois que dans le Deer Hunter et dans ce film-là, finalement, il traite de la même chose. Il traite de la mauvaise conscience des Américains. Et cette mauvaise conscience, l'Amérique d'aujourd'hui ne l'a pas supportée, finalement. These men are under arrest by military authority. You can all go home now. Company, move out! Follow them out! L'aventure canoise était la dernière chance. Malheureusement, nouvel accueil mitigé, critique et public et aucune récompense. La Porte du Paradis est définitivement enterrée. Une catastrophe industrielle qui n'est pas sans conséquences, évidemment. Steven Back, le producteur exécutif, est limogé et United Artists est en faillite, oui, racheté par le studio MGM. Alors, fini le temps du réalisateur roi et du nouvel Hollywood, place au blockbuster, à la fièvre du samedi soir et à Star Wars. Hollywood entre dans une nouvelle ère. De son côté, Cimino n'accepta pas de jouer le jeu américain, reconnaître sa chute après avoir été porté en triomphe, faire son mea culpa, se laver de ses péchés. Jamais. Il a réussi à réaliser quelques films ensuite, mais sans retrouver sa place au sommet du temps du voyage au bout de l'enfer. Il est finalement revenu en 2013 avec une dernière version définitive, celle-ci de La Porte du Paradis, restaurée dans sa durée de 3h40. Lors de la première, à New York, dans le même cinéma où 30 ans plus tôt les strapontins se levaient bruyamment, cette fois personne ne part, et l'ovation est même totale. Quelque part, on peut dire que La Porte du Paradis est le dernier film de Cimino dont le destin ressemble fort à celui de son héros, James Harrell, vieilli et seul sur son bateau à la fin du film, les larmes aux yeux. On ne peut s'empêcher d'y voir la définition de son art par Cimino lui-même. « Faire du cinéma, disait-il, c'est inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé. » Bon, comprenne qui pourra. Toujours est-il que sa Porte du Paradis l'a tout de même envoyé en enfer. Said I get out of work about 5:15. You can pick me up, you can give me a ride. Meet me on the corner where nobody can see. I got a husband who loves me, but don't like me. Take me for a drink at the medicine bowl. I got a pair of new boots that I'm dying to show. Popping a cassette, head out for Rock Springs. Somebody wrote a book, you believe that thing? Oh. Or you can take me out for dinner if you got it in ya. There's a truck stop, I love little America. When the traffic thins out, we'll hit the high desert air. Pull over to the side, you won't believe you're anywhere. If you got the balls, you can strip off your clothes. Roll in the bauxite like an Eskimo. Eskimo, no, that wasn't right. I meant like some Indian who's not afraid to turn white. Oh, why? I saw like we can turn around. Too much religion for me in that town. A lot of people south spend the weekend in Denver. Come back with a bumper sticker, ride in a Fender. Born in Cheyenne, another Capitol Dome. I got an Airstream trailer that I call home. I wear a lot of makeup and I got two cats. Husband of mine never know where I'm at. You were the one that say screw them all. I keep them spamming one of your old thumb malls. Store opens at 9, I gotta be there. Bar your rear view to comb my hair. If you need a shirt, you know where to come. Around rodeo time, it ain't a lot of fun. Tourists ride around shooting fake six shooters. And the city cowgirls with the pushed up hooters. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire houleuse d'un film, La Porte du Paradis, avec notre invitée Anne-Marie Bidot. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du cinéma américain, auteur du livre intitulé Hollywood ou le rêve américain, on est en plein dans le sujet, publié chez Armand Collin en 2012. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu ce film, La Porte du Paradis, et du sentiment que ça vous a provoqué? J'ai d'abord vu la version que tout le monde a vue, c'est-à-dire une version tronquée. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai énormément aimé le film. Et peut-être pour des mauvaises raisons ou les raisons qui ont dérangé le public, c'est-à-dire que c'est très elliptique. Moi, j'aime beaucoup cette esthétique où tout n'est pas donné, tout n'est pas expliqué et qui a gêné les gens parce que la grande ellipse de 20 ans, je sais que les spectateurs moyens américains, pour peu que ça existe, disaient « Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 20 ans? On veut savoir ce qu'il a fait. » Et puis l'emphase, le côté brun de l'esthétique, ça a été très critiqué. On a dit que c'était un film marronasse. Mais je trouve qu'au contraire, il y avait une recherche de couleurs un peu sépia qui renvoyait à un passé révolu. Et puis, il y avait aussi le travail du grand chef opérateur Vilmos Zsigmond, qui a travaillé aussi sur le voyage au bout de l'enfer, c'est ça, oui. Et qui avait une grande liberté pour exprimer sa propre esthétique, et ce qui était aussi une des données de ce cinéma, d'avoir une patte esthétique, un chromatisme différent, suivant les films, et non pas attaché à un studio comme dans le vieux système hollywoodien. Et vous appréciez déjà Cimino avant de voir ce film, vous aviez aimé Voyage au bout de l'enfer, oui. J'imagine, comme beaucoup de gens, c'est un film qui a vraiment frappé, quoi. Oui, et j'avais quelques réticences par rapport au Voyage au bout de l'enfer, on était encore très proche de la guerre du Vietnam, et le fait qu'il y ait cette représentation des Vietnamiens, en fait, qui étaient des Cambodgiens, je crois, et comme des espèces de barbares épouvantables, c'était un petit peu gênant, parce que c'est sûr que les Américains n'avaient pas été bien traités, mais il y avait une espèce d'infléchissement anti-Vietnam qui était un petit peu gênant à l'époque. Mais le film lui-même, je trouve, était extraordinaire. Alors, revenons avec vous sur les ruptures que nous avons évoquées dans ce texte. Disons, deux grandes ruptures dont le film La Porte du Paradis est un symbole ou l'un des symboles. Commençons par la première, celle du nouvel Hollywood qui s'arrêterait finalement à ce moment-là. Alors, c'était quoi le nouvel Hollywood? Pourquoi on l'a appelé a posteriori le nouvel Hollywood? Oui, c'est a posteriori. En fait, c'est une formule qu'on doit à un journaliste critique, Peter Biskins, qui a publié un ouvrage en 98 sur ce mouvement. On parle d'un mouvement, d'un courant dans l'histoire du cinéma hollywoodien qui marque en effet une très grande rupture, à la fois dans les conditions de travail. Vous avez bien parlé tout à l'heure du réalisateur qui devient le centre de la création et non plus le studio, qui est complètement différent aussi sur le plan thématique, en insistant sur les failles et les échecs du système américain, c'est-à-dire presque le cauchemar américain opposé au rêve et à la mythologie classique, et puis aussi une esthétique qui était tout à fait nouvelle, qui prenait le contre-pied des traditions hollywoodiennes et qui s'inspirait beaucoup de l'Europe. Je crois que c'est aussi... Avec la nouvelle vague, c'était le modèle. La nouvelle vague, il faut pas oublier que pendant cette période, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Le cinéma européen avait été découvert par le public jeune, qui était le seul public finalement qui restait au cinéma. Et les réalisateurs de cette génération, Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese, c'était des grands cinéphiles. Et leur modèle, à l'époque, c'était plutôt la nouvelle vague dans les méthodes de tournage, à tel point que dès 1967, quand Arthur Penn a réalisé finalement Bonnie and Clyde, on avait d'abord proposé le scénario à Godard et à Truffaut. Ah oui, comme quoi c'était vraiment des références. Absolument. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la nouvelle vague en France, mais revenons aux États-Unis, le nouvel Hollywood a permis à des cinéastes de la génération, on va dire, de l'ancienne Hollywood, de se refaire des couleurs. Je pense à Sam Peckinpah. Absolument. Lui, là, c'est... C'est-à-dire que c'est un courant et un mouvement de renouvellement profond qui a permis à des cinéastes plus âgés, parce qu'on parle toujours de cette génération de cinéastes que j'ai citée, mais il y avait aussi des gens qui ont préparé le terrain, qui travaillaient dans le même sens, quelquefois avec de grandes difficultés, et qui ont pu enfin faire des films qui leur convenaient, comme Peckinpah, comme Robert Altman, comme bien sûr tout Arthur Penn, et qui étaient d'une génération antérieure et qui souvent avaient été formés à la télévision. Donc deuxième jeunesse Absolument. Pour eux dans un nouveau mouvement. Alors les studios United Artists apparaissent un peu comme le point d'ancrage de cette nouvelle vague du cinéma américain. On va écouter une archive, on va écouter Michael Cimino justement, alors qui parle de la fin de United Artists. Alors on l'a accusé, on dit écoutez, avec votre film vous avez mis ce studio en faillite, enfin c'est pas possible. Il s'en défend, écoutez. Je n'ai jamais rien eu à voir avec la faillite de United Artists. United Artists s'est dissous de sa propre volonté, pour ainsi dire. Je n'y étais pour rien. Aucun film ne peut avoir un tel pouvoir. Ils ont fait tellement de films cette année-là, je crois 20 films, qui étaient insortables. Je crois qu'aucune compagnie ne peut survivre en finançant 20 films sans en sortir un seul. C'est un énorme investissement. Oui, ça paraît logique. Alors, est-ce que Michael Cimino a contribué à la faillite United Artists ? Non, il faut dire que son comportement de rockstar, ça n'a pas vraiment aidé. Mais en même temps, comme vous le rappeliez, ça n'est pas le premier désastre industriel. Ah, et oui. On pourrait dire que les débuts de la fin de Hollywood, avant ce renouvellement inespéré que leur a apporté ces jeunes cinéastes, ça avait été, en 62, la sortie de Cléopâtre, dont la première version, on oublie, faisait 6 heures, donc pas loin des prouesses de Cimino, et qui a fait perdre 40 millions de dollars à la Fox, pour des raisons assez proches. Donc ces phénomènes de désastre industriel, ça arrive de temps en temps, mais ce qui a marqué la fin, on pourrait dire, de Cimino, c'est que finalement, quand son film La Porte du Paradis est sorti, il était en complet décalage avec les changements qui s'étaient passés rapidement à la fin des années 70, les comme vous le rappeliez, des changements de structure industrielle, on veut des films qui rapportent, le retour à l'ordre politique avec l'élection de Reagan, l'ordre moral, puisqu'on était sous la domination de la silent majority, et puis aussi le public des jeunes qui était un peu versatile et qui, petit à petit, avait envie de voir des films plus divertissants et moins moins dérangeant. Ce qu'on appelle les blockbusters qui font beaucoup, beaucoup de public. Alors, ce qui est gênant quand même, ce qui est troublant, c'est que des gens comme Spielberg et Lucas notamment, alors ils amorcent aussi ce tournant des blockbusters parce qu'ils font des films qui sont faciles d'accès. Pour autant, ils ne sont pas mauvais, au contraire. Absolument. Certains sont fantastiques, hein, absolument géniaux. Enfin, ça fait dire plus de gens. On fait du chiffre. Oui, bah c'est-à-dire que tous ces jeunes cinéastes qui avaient un travail beaucoup plus, on pourrait dire, personnel au début, sont entrés dans le système parce que finalement, des grands studios comme par exemple le Paramount a proposé un assez grand nombre de ces cinéastes, presque carte blanche, pour faire 4 films sur 8 ans. Et quand ça marchait, comme Jaws par exemple, Les Dents de la Mer, bon, on les a laissés faire. Et inversement, quand il y avait un échec, ils étaient rappelés à l'ordre. Donc il y a eu entre-temps des films comme, qui était un film de commande d'ailleurs, le Parrain, le premier, qui a eu un succès énorme. Donc, Les Dents de la Mer. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu les films de Lucas, La Guerre des Étoiles. Donc, il y avait une sorte de coïncidence nouvelle entre les intérêts de l'industrie, qui était de rapporter de l'argent, et puis la liberté de création de ces jeunes cinéastes qui, finalement, rentraient dans le rang. Alors, oui, rentre dans le rang, mais un peu plus tard, Spielberg fait quand même d'autres films avec des sujets beaucoup plus graves. Absolument. Donc là, il y a quand même rien n'est perdu. Finalement, ces gens-là sont quand même sur les deux tableaux. Il y a une alternance. Absolument, oui. D'accord. Alors, on va parler maintenant de cette deuxième rupture que nous évoquions. Bon, c'est un choix éditorial, on peut le voir comme ça. On va appeler ça la rupture politique. On l'a vu à la fin du récit, Isabelle Huppert évoque cette question pour expliquer l'échec du film. Elle dit, Cimino présente aux Américains un pan de leur histoire qu'ils ont du mal à assumer. On va écouter maintenant ce qu'en pense Cimino lui-même. De plus, les Américains refusent même sous la torture d'admettre qu'il y a un système de classe aux États-Unis. Aujourd'hui, la société américaine est régie par un système de classe qu'il y a toujours eu. On parle sans cesse de la classe moyenne, on ne parle que de la classe moyenne. Moi, je trouve ça particulièrement étrange. Je ne comprends pas. Le pays a été fondé par cette classe supérieure. It was fought by the lower class. Ce sont les classes populaires qui ont engagé les grandes batailles de l'histoire, mais tout cela s'était mené par les classes supérieures. Les premiers responsables politiques, les premiers présidents américains étaient d'extraction anglaise de la classe supérieure de l'Angleterre. Pour des raisons que je ne m'explique pas, on pense que tous les Américains sont créés égaux. Et on fait semblant que c'est le cas. Mais ce n'est pas du tout le cas, et ce ne sera jamais le cas. Cimino était-il marxiste? Évidemment, vous soulevez le lièvre, on pourrait dire, parce que son film a été accusé d'être crypto-marxiste. Ah bah tiens, voilà, alors, il parle de lutte de classe, donc absolument. Voilà, j'en tire la conclusion toute simple. Son sujet, c'est la fin de l'Ouest. D'abord, il n'a pas été le seul à aborder ce sujet. Je vous ai dit, il l'a simplement abordé un peu tard par rapport à d'autres. Mais il y avait déjà des quantités d'autres films, y compris des westerns réalisés par des grands cinéastes comme Ford, qui avait réfléchi sur les fondements de l'Amérique, dont on avait glorifié les grands mythes fondateurs, et qui eux-mêmes, à la fin de leur carrière, comme par exemple les films de Ford, L'homme qui tua Liberty Valance, ou Les Cheyennes, qui sont des films extrêmement mélancoliques, très autocritiques. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, on voit que, en fait, le fondement de la civilisation aux États-Unis s'appuie sur le mensonge et la violence. Donc, c'est pas forcément le regard que les Américains, peut-être, avaient envie de garder quand Reagan, ancien cowboy, est arrivé à la Maison-Blanche. Alors, c'est vrai que le cinéma peut être un support politique. Souvenons-nous du cinéma soviétique, notamment. Hein, le rapport entre le cinéma et la nature du régime était un rapport très étroit. Dans votre livre, justement, Hollywood ou le rêve américain, vous faites un lien, une histoire des relations entre Hollywood et le pouvoir américain, le pouvoir politique, idéologique. En quoi le cinéma américain est-il vecteur à la fois de l'histoire du peuple américain, mais aussi celui du modèle, de la culture américaine dans le monde? Vous en avez parlé avec les westerns classiques, mais aussi avec les westerns critiques. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres éléments qui montrent ça, ce rapport étroit? C'est-à-dire que dans le système hollywoodien ancien, c'est-à-dire avant les années 60, le pouvoir de décision était confié, était surtout la décision des producteurs. Mmh. Or, ce sont ces producteurs qui ont créé l'industrie hollywoodienne et qui eux-mêmes, étant le plus souvent des immigrants de première ou des fois deuxième génération, étaient extrêmement attachés à la mythologie de grands mythes fondateurs des Américains, par exemple la démocratie, le mythe de la deuxième chance accordée à tous, de la terre d'Éden qu'on pouvait retrouver. Ils étaient tout à fait convaincus de ces données parce que ça avait marché pour eux. Ils étaient en même temps très soucieux, pour des raisons de rentabilité, de ne pas gêner ou ne pas déplaire au pouvoir politique. Donc tout ce qui pouvait être trop gênant étaient plus ou moins mis sous le boisseau, pas tout le temps, parce que certains ont pris des risques. Et il ne faut pas oublier que dans les années 50, le maccartisme avait mis un frein à toute une période d'après-guerre où des sujets très sérieux, très critiques apparaissaient, mais qui ressurgissent finalement à la fin des années 60. Alors, la réception des films de Cimino est toujours compliquée. Alors, on a parlé des polémiques autour de Voyage au bout de l'enfer, qui pourtant était un succès. Hein. Oui. On a parlé de ce film-là, et puis l'année du dragon, film hyper violent, très impressionnant. Là encore, il y a de la polémique, on l'accuse de racisme à l'endroit de la communauté asiatique. Est-ce qu'il fait partie, Cimino, de ces artistes qui sont sulfureux et qui peuvent dire « je suis sulfureux, donc je suis » Je crois que ça fait partie de sa vision du monde, on pourrait dire, de voir des rapports violents entre les communautés, comme les communautés sociales. Et là, je peux faire une petite parenthèse. Mmh. Ce qu'il suggère, mais qui n'est pas développé, d'ailleurs, à son honneur, c'est que dans la période de la guerre du bétail qu'il montre dans La Porte du Paradis, les grandes sociétés de bétail étaient des sociétés étrangères. Elles étaient aux mains d'Anglais, c'était des sociétés d'investissement qui avaient leur siège social à Londres ou à Édimbourg. Quelle actualité ! Absolument, et qui vendaient des actions. Et en fait, donc, il y avait une sorte d'image du capitalisme qui appartenait à des sociétés étrangères contre des immigrants qui étaient les laissés pour compte de l'Europe. Quelle actualité Absolument. Aussi, hein, donc, voilà. Donc, l'idée que là, c'est moins d'actualité. L'immigrant, c'est l'actualité. Pour revenir aux Chinois, bon, c'est vrai que la communauté chinoise, bon, même si elle donne une apparence de sérénité plus grande que d'autres communautés, est traversée quand même par des guerres violentes, la guerre des triades. Je crois que l'intérêt de Cimino, c'était aussi un intérêt qu'il partageait avec des quantités d'autres cinéastes de sa génération. C'est un intérêt nouveau pour les minorités qui n'étaient pas représentées dans le cinéma classique ou pas de cette façon. Je pense à Coppola et les Italo-Américains, par exemple, qui n'étaient jamais vus de cette façon. Scorsese, quand même, avec Gang of New York, oui. Gang of New York où il revient aussi sur la construction du mythe américain. Le film a reçu un accueil mitigé aussi. Mais pour les mêmes raisons. Mêmes raisons. Quelle place laisse Michael Cimino dans l'histoire du cinéma américain, finalement? Je crois que sa place est différente suivant le côté de l'Atlantique où on se trouve. En Europe, et même au moment de la sortie... C'est souvent le cas. Ah oui, au moment de la sortie de La Porte du Paradis, il a été très apprécié, en France en particulier. Aux États-Unis, il fait partie d'une sorte d'épiphénomène un peu marginal et associé à une image un peu de fou, comme le pouvait l'être par exemple Eric von Stroheim dans les années 20, qui avait eu les mêmes problèmes de démesure, d'excès, dans un autre contexte. Alors, il nous reste 30 secondes, même moins, Anne-Marie Bidot. Est-ce que la créativité aux États-Unis comme ailleurs s'est déplacée ou se déplace vers les séries maintenant? Oh, bien sûr. Mais depuis les années, on peut dire 80, la création, la vraie création, et ce qui explique la présence de gens comme Scorsese dans des séries télévisées ou de Todd Haynes, qui est un grand réalisateur aussi, c'est à la télévision. Merci Anne-Marie Bidot, merci infiniment d'être venue nous voir et nous transmettre tout ce que vous savez sur le cinéma américain. Merci à vous. Avec ce livre. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Porte du Paradis, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.